Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 13 novembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Shane Gauthier. On sait que Shane Gauthier s'aligne avec les Bombers de Winnipeg et son équipe a battu les Riders de Saskatchewan 23-18 en demi-finale de l'Ouest. Mais avant tout, on a parlé de sa saison et Shane Gauthier a connu quand même un bon début de saison. Par la suite, les blessures l'ont rattrapé, mais il est quand même content de son année. J'ai eu un très bon début de saison. J'ai été un des meilleurs joueurs sur les unités spéciales de la Ligue pendant plusieurs semaines. Puis par la suite, j'ai eu affaire avec une couple de blessures qui m'ont empêché pratiquement de jouer le reste de la saison. Alors, je pense que j'ai joué seulement 8 matchs cette saison. Alors, ça a été des hauts et des bas. C'était juste... Je pense que pour les matchs que j'ai joués, j'ai eu des bons commentaires. Je pense que les entraîneurs aiment ce que je fais. Maintenant, c'est de trouver une solution pour... Shane Gauthier déclare qu'il n'est pas vraiment inquiet concernant son avenir avec les Bombers de Winnipeg, malgré qu'il y a eu plusieurs blessures. Sans vouloir me vanter de rien, il y a seulement un Shane Gauthier dans la ligue. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a la même mentalité que j'ai moi. Ouais. Puis je pense qu'avec ce que j'ai démontré aux entraîneurs et le type d'attitude de gars que je suis, je pense que oui, le fait que j'ai eu des blessures pourrait jouer contre moi, c'est sûr que c'est un business ou que c'est des choses que je peux t'éviter, mais je pense que avec l'attitude que j'ai, ce que je suis capable de démontrer sur le terrain, vont faire en sorte que les choses vont bien se replacer pour moi pour les prochaines pages. Et dans un dernier temps, Shane Gauthier parle de la préparation des Bombers contre les Stampeders de Calgary dans le match de l'Ouest dimanche. Selon lui, pour Shane Gauthier, on va se préparer de la même façon que vers la fin de la saison chez les Bombers. On se prépare de la même façon qu'on s'est préparé pour la façon qu'on a suivi la saison. On se prépare contre jouer contre une équipe qui a démontré à travers les années que c'est de très bons adversaires. Puis qu'il va falloir limiter les erreurs, puis bien sécuriser le ballon durant tout le match si on veut être capable de partir avec la victoire là-dedans. On a fait connaître les étoiles de la semaine dans la Ligue du Lac au Fleuve. On sait que la première étoile, c'est Pierre-Luc Laprise qui a marqué 2 buts et récolté 4 passes pour 6 points. Simon-Claude Blackburn est la 2e étoile avec 4 passes. Et Jason Dixon, la 3e étoile avec une position de 1 but et 3 passes. Donc... parlons maintenant de basketball. Il y avait un match qui nous intéressait, qui concernait l'équipe de Robertval. Et c'était dans la Ligue senior de basketball. Et Robertval qui a perdu par la marque de 69 à 65. A noté que Francis Vézina a été le meilleur dans la défaite avec une production de 21 points pour Robertval. Je l'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec plusieurs intervenants du monde du sport. Éric Lucas vient nous parler de sa nouvelle carrière de camionneur. On sait que l'ancien boxeur depuis l'an dernier est maintenant camionneur pour une compagnie de Montréal. Également, je me suis entretenu aussi avec Shane Gauthier en provenance de Winnipeg. Et vous écoutez la chronique avec Yannick Jean des Saguenayens de Chicoutimi. Le sport local et régional à danadosport.com. On s'en occupe.